tester. Tu sais qu'on est agressif, j'ai ma part dans le resto, j'suis pas dans les récits. J'suis pas tes imbéciles, tu me vois faire la mala, mais j'ai déjà investi. Tu passes par moi, Matrix, t'es comme Johnson Bumpy. Dernier de la classe, mais premier de la TC. Tu sais qu'on est agressif, j'ai ma part dans le réseau, j'suis pas dans les récits. J'suis pas tes imbéciles, tu me vois faire la mala, mais j'ai déjà investi. Tout passe par moi, Matrix, t'es comme Johnson Bumpy. Fini l'époque des demi-temps, mais dans la rue y'a trop de mythos. Tous snap, ils font les trafiquants, pourtant ils ont bavé au comico. RS3, j'fais le tour de la tête, y'a pas de caution, vu que c'est ma caisse. Dans la rue j'ai gratté ma pièce comme Dadinho dans les abesses. Je suis en prada avec El Diablo. Il me faut la vue sur la mer et bateau. Il me faut la vue sur la mer et bateau. Je rêve du mili, je rêve du château. Concentré quand ça parle en cash. C'est redoublant de béton pour un outrage. Les petits boss à n'importe quel âge. J'arrive en méchant depuis le flou. Je fais le comptard, je perds enregistré. Confiance en personne, tes potos sont peut-être déguisés. Des pertes on a tous fait. Remonter la porte on a tous fait. Maintenant on est tous prêts. Demandez méchant donc tous prêts. Dernier de la classe, mais premier de la tessie. Tu sais qu'on a agressif, j'ai ma part dans le resto, je suis pas dans les récits. Je suis pas tes imbéciles, tu me vois faire la mala, mais j'ai déjà investi. Tout passe par moi, Matrix, t'es comme Johnson Bumpy. Dernier de la classe, mais premier de la tessie. Tu sais qu'on a agressif, j'ai ma part dans le resto, je suis pas dans les récits. Je suis pas tes imbéciles, tu me vois faire la mala, mais j'ai déjà investi.